L'île heureuse par Paul Marguerite. Chapitre 1er. Menace à l'horizon. L'île dormait encore et les oiseaux ne chantaient pas. L'aube se levait. Le palais sur la montagne dressait dans le ciel ses fines architectures noires. Les cabanes des laboureurs bossuaient la plaine. Les bateaux des pêcheurs s'échouaient sur la plage. De frais parfums s'exhalaient de la terre, mêlant à l'odeur des fruits, des feuilles et des fleurs des arômes inconnus. Bientôt un frisson courut, annonçant la vie. La brise de mer agita les arbres qui rendirent un bruissement faible, et soudain, un glaive pourpre, comme si la lame en eût été rougie au feu, flamboya, déchirant l'Orient. Du haut de la tour du veilleur, deux hommes guettaient le lever du soleil, l'un très jeune, l'autre très vieux, le prince Orlis, maître de l'île, et le mage Aldébar. « Est-ce pour aujourd'hui, vieillard ?» demanda le prince. Aldébar répondit, étendant les bras en un geste hiératique. « Les étoiles ont parlé. Le glaive de feu menace. Le soleil se lèvera dans le sang. Oh, mon fils, ton bonheur aura été éphémère comme un songe. »« Qu'importe, » répliqua le prince avec fermeté. « La vie de l'homme n'est que le rêve d'une ombre. J'ai connu toutes les joies du rêve. Ce n'est pas pour moi que je crains. » Et trahissant l'angoisse de son âme, il soupira. « Fer immonde !» Le mage fixa sur lui ses yeux perçants et les détourna. L'Orient était rouge comme un brasier. « Enfant insensé, dit Aldébar, d'avoir cru à la possibilité du rêve. Orlis, qui a dédaigné le trône de tes ancêtres et préféré aux lois et aux guerres d'un grand empire la suzeraineté fainéante de cette île, ta sœur Férimonde et toi expirez cruellement votre chimère. Vous avez voulu, fuyant l'action, vous soustraire aux devoirs et aux charges de ce monde, et ne reconnaissant que le rêve, vous livrez au seul plaisir du cœur et de l'esprit, mais nul n'échappe à la vie impitoyable. En vain, roi de cette île heureuse, la plus petite, mais la plus belle entre celles de la mer d'Azur, et vierge, car nul avant vous n'avait foulé son sable blanc et ses bruyères. Vous vous plaisez aux amusements de la chasse, de la pêche et des promenades, aux collations sous les ombrages, aux nobles lectures, aux délicats spectacles, aux musiques suaves et aux vers dorés. En vain, au milieu de tout ce civil et mesquin, vous ne pensez qu'à soupirer. Orlis pour Férimonde et Férimonde pour Orlis. D'un amour infini comme le ciel, profond comme la mer et chaste comme les étoiles. Car aucune pensée charnelle ne souille votre âme haineuse de la réalité grossière. En vain, vous vous endormez dans l'illusion divine. Infortuné, votre cycle est révolu. Le conquérant barbare va fouler aux pieds vos existences spirituelles. Déjà, hélas, déjà la vie va tuer le rêve. À ce moment, le soleil sortit des flots. Une flamme immense incendia la mer. Un jour radieux inonda l'île. On eût dit qu'elle émergeait de l'eau et montait dans l'aurore avec ses bois qui couvraient les monts et ses blés qui verdissaient les plaines. Des fumées bleues ondulèrent au-dessus des cheminées. Les portes des palais et des cabanes s'ouvrirent. On entendit hennir les chevaux, aboyer les chiens et chanter les oiseaux. Les parfums s'exhalèrent plus fort. Jamais matin plus beau ne s'est élevé. Jamais l'île n'avait paru si suave et si heureuse. Le prince ne put s'empêcher de soupirer. Il tressaillit et se tourna vers le vieillard. Aldébar, une main devant ses yeux, contemplait la haute mer. Orlis regarda longtemps dans la même direction. « Je ne vois rien venir, » dit-il. « Et moi, dit le mage, je présage à l'horizon les voiles de la flotte barbaresque.